إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui le chef il va expliquer les causes du châtiment de la tombe, asbab wa azab al-qabr. Chef il dit: قال العلامة السفاريني: الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين مجمل ومفصل. Les causes pour lesquelles une personne peut être châtiée dans la tombe sont de deux catégories, de catégorie générale et de catégorie spécifique. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وعدم إطاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بددا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه ولم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. Donc le chef il dit que en ce qui concerne les causes générales ou les choses générales, c'est qu'ils seront châtiés dans leur tombe à cause de leur ignorance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'ils n'ont pas obéi à ses ordres et ils ont fait ce qu'il a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais châtier un âme qui l'a connu, qui l'a aimé et qui a respecté ses ordres et qui s'est éloigné de ses interdictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera jamais un corps également dans lequel une âme obéissante a demeuré. Et le cheikh dit que le châtiment de la tombe et le châtiment de l'au-delà dans l'enfer, ce sont des expressions de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son courroux sur son serviteur. Donc celui qui a mis Allah subhanahu wa ta'ala en colère et qui l'a mis en colère contre lui dans ce monde, eh bien, c'est-à-dire en faisant les péchés et en faisant ce qu'il a interdit et qui ne s'est pas repenti et qui est mort dans cet état, donc il aura du châtiment de la tombe ou du barzakh selon la quantité ou selon la portion de colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a sur lui. Et ça dépend, soit la personne en fait plus ou soit la personne en fait moins, ou qu'elle est véridique, ou elle renie, ou elle accepte la vérité, donc selon la portion de désobéissance ou d'obéissance, eh bien la personne sera châtiée dans la tombe. En ce qui concerne les causes plus détaillées, le chef il dit فقد أما المفصل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس والآخر كان لا يستتر من البول ثم ذكر من يعذب لكونه صلى بغير طهور ومن مر على مظلوم فلم ينصره ومن يقرأ القرآن ثم لا ينام عليه بالليل ولا يعمل به في النهار وتعظيم الزناة والزواني وأكلة الربا والذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر وتعظيم الذين يمنعون الزكاة والفتنة أو والذين يوقدون الفتنة بين الناس والجبارين والمتكبرين والمرائين والهمازين واللمازين. Donc le cheikh il dit que parmi les causes détaillées, c'est ceux qui ont été annoncés dans les hadiths en général par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, le prophète, il dit que parmi les causes, il y a les causes détaillées, il y a celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées, comme par exemple les deux hommes qui sont châtiés et qui les a vus en train de se faire châtier dans leur tombe. Un d'entre eux, eh bien, il transmettait les rumeurs et les fausses rumeurs au sujet des gens, et puis il les faisait circuler. Et l'autre personne, et ça c'est ce qu'on appelle un namima, en fait, c'est de faire circuler des fausses rumeurs au sujet des gens. Et deuxièmement, al-akhar kana la yastatiru min al-bawl, c'est-à-dire il se protégeait pas contre l'urine lorsqu'il allait aux toilettes. ثم ذكر من يعذب لكونه صلى بغير طهور. Aussi il a mentionné la personne qui est châtiée parce qu'elle priait sans se purifier. Et par exemple aussi la personne qui marche près d'une personne qui est opprimée ou qui se fait opprimer et qui ne vient pas à son aide. Également il parle aussi de la personne qui lit le Coran puis qui dort par la suite durant la nuit. Il lit le Coran puis il dort durant la nuit et puis il ne pratique pas durant le jour. Et il a parlé également du châtiment pour les gens qui ont fait l'adultère et la fornication et ceux qui ont mangé les intérêts et ceux qui ont la tête lourde lors de la salat al-fajr, c'est-à-dire ils ont la difficulté à se lever pour la salat al-fajr. Et le châtiment de ceux qui empêchent la zakat, c'est-à-dire ils ne donnent pas la zakat, et ceux qui font la fitna entre les gens, et al-jabbarim, c'est-à-dire les gens qui sont orgueilleux et fiers, etc., et ceux qui se font voir, qui font des bonnes œuvres pour se faire voir par les gens, ou qui jettent des accusations ou des calomnies sur les gens, etc. Après le cheikh dit « وقد انكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه اعتمادا على عقولهم وحواسهم لأنهم لا يشاهدون شيئا من ذلك انتهى. » Donc il dit que il dit qu'il y a des groupes parmi les athées et les hérétiques qui ont nié Azab al-Qabr et ils ont nié le châtiment et les délices de la tombe. Et ils se sont basés là-dessus sur leur raison et sur leur sens. Étant donné qu'ils ne témoignent pas de ces châtiments-là ou de ces délices-là dans les tombes des gens qui sont morts, ils ont pensé que ça c'est une preuve que c'était pas réel. Et le cheikh dit, le cheikh al-Fawzan il continue, il dit « وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ عَذَابَ الْقَبَرْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ لَا يُعْتَمَدُ من علم الغيب الذي يعتمد فيه على النصوص الصحيحة وليس للعقل والفكر داخل فيه وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا وعدم إدراك الإنسان للشيء لا يدل على عدم وجوده والله أعلم. Donc le chef dit, et nous on leur répond en disant que le châtiment de la tombe fait partie de la connaissance de l'invisible et on ne peut pas se baser à ce sujet-là excepté sur les textes authentiques du Coran et de la Sunna, et la raison et la pensée n'a rien à voir avec ces choses-là, et les choses de l'au-delà elles ne peuvent pas être comparées avec les choses de l'au-delà. ça, ça fait partie des affaires du monde de l'invisible. Et le fait qu'on n'est pas capable de voir ou de comprendre ou de sentir qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà et dans le monde de l'invisible, ça ne prouve pas que ça n'existe pas. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux. Ensuite, on passe au prochain point, c'est le quatrième point. Rabi'an al-ba'asu wal-nushur. C'est-à-dire la résurrection et le rassemblement pour le jugement dernier. Le cheikh dit « اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام عليه الدليل ورد على منكريه في آيات كثيرة في القرآن العظيم وقد أخبر عنه جميع الأنبياء أممهم وطالبة المنكرين بالإيمان به. Donc le cheikh il dit sache que l'avènement de la résurrection des tombes a été prouvé par le Coran, par la Sunna, par la raison et par la fitra qui est propre, qui n'a pas été corrompue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, dans son puissant livre, que cette chose va arriver, et il a établi la preuve là-dessus, et il a réfuté les gens qui nient l'arrivée de ce jour, et il a établi les signes et les preuves dans le Coran, Al-Azim. Et il a annoncé également, il a également annoncé cela par tous ses prophètes et ses messagers, et tous les messagers ont annoncé ça à leur peuple. Et même si yani, les gens ont nié ça, beaucoup de gens parmi les koufars ont nié l'avenue de ces choses-là, les messagers ont toujours demandé à ceux qui ont nié d'y croire et que ça faisait partie de la foi. Donc le chef il dit « ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى بين تفصيل الآخرة تفصيلا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله. Donc le chef il dit que lorsque, étant donné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le sceau des prophètes et le dernier d'entre eux, qu'il a été suscité lui et l'œuvre du jugement dernier comme les deux doigts, c'est-à-dire le majeur et l'index, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les deux bouts, c'est la distance qui reste entre le jugement dernier et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit, étant donné qu'ils sont si près l'un de l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà et qu'est-ce qui arrive au jugement dernier d'une façon que aucun autre prophète avant lui ne l'avait fait, et il a clarifié ça en détail d'une façon que aucun autre messager et aucun livre ne l'avait clarifié auparavant. Cheikh il dit, والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. Il dit que l'établissement de la grande résurrection au jugement dernier, elle est connue par tous les prophètes, et ça part de Adam jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. وقد أخبر الله من حين أهبط آدم بالقيامة فقال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Donc Allah سبحانه وتعالى il a annoncé même au moment où il a fait descendre Adam sur la terre qu'il y aurait un jugement dernier et une résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous dit, descendez tous les uns, ennemis les uns des autres sur la terre, et vous aurez une demeure et vous aurez une jouissance pour un moment ou pour un court terme. وقال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله سبحانه وتعالى إنتي et c'est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, que vous allez vivre et que vous allez mourir, et c'est de celle-ci que vous allez ressortir, c'est-à-dire à la fin des temps, au jugement dernier. ولما قال إبليس اللعين قال ربي أري قال ربي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Donc إبليس اللعين للشيطان il dit, ô mon Seigneur, laisse-moi un terme, ou laisse-moi un temps jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes tu seras de ceux qui auront un terme ou qui auront un délai jusqu'au jour de leur bien connu. Donc même Iblis savait qu'il y avait un jugement dernier depuis même le tout début, avant même qu'il y ait une population sur la terre, il n'y avait que Adam. Ensuite, le cheikh il cite, il dit, « ونوح عليه السلام قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. » Donc Noé il a dit à son peuple, « Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait pousser de la terre comme des plantes, puis il va vous faire y retourner et il va vous en faire ressortir. » Donc ça c'est l'exemple qui va pour dire qu'il y aura une résurrection et un jugement dernier. Donc même à l'époque de Noé, c'était connu par les gens. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Allah cite l'exemple pour Abraham lorsqu'il a dit, et c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, en qui j'espère qu'il me pardonne mes péchés au jour de la au jour du jugement réel. Et l'exemple de Moussa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit, Moussa alayhi salam قال الله له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Ça c'est l'explication dans la traduction en français. Après, il dit, c'est un autre verset dans lequel Moussa il dit dans un dua, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. Écris pour nous dans cette dunya un bien et dans l'au-delà et nous retournons vers toi repentant. Et le cheikh il dit, وقد أخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم أنذرتهم هذه اليوم أو هذا اليوم كما في قوله تعالى ألم يكن رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il annonce ou il informe dans le Coran que les kuffars lorsqu'ils vont entrer dans le feu de l'enfer ils vont affirmer et ils vont admettre que les messagers sont venus les avertir de ce jour-là, et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Zumar, alam yakun, est-ce que les messagers ne vous sont pas venus, hein, et est-ce qu'ils ne vous ont pas récité les versets ou les signes de votre Seigneur ou les versets de votre Seigneur, et ne vous ont pas averti de la rencontre de ce jour, de votre jour, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, ils ont dit et ils répondent, certes, hein, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire véridique, la parole du châtiment s'est avérée véridique pour les mécréants. Et tous les messagers ont averti leur peuple et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. فَجَمِعُ الرُّسُلْ أَنْذَرُوا بِمَا أَنْذَرَ بِهِ خَاتِمُهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ. Donc tous les messagers ont averti de ce que le premier, de ce que le dernier d'entre les messagers a averti au sujet de la résurrection et du jugement dernier. Que la paix et le salut d'Allah soient sur eux tous. Et le Cheikh dit: وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَوْتَى يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ النَّفْخَةَ الثَّالِثَةَ. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Donc le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a informé que les morts vont sortir de leur tombe lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va souffler le troisième coup de clairon. Allah a ordonné à l'ange de souffler le troisième coup de clairon, et c'est à ce moment-là que tous les hommes vont sortir de la terre, et les femmes. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset: puis nous soufflerons dans le clairon une autre fois, ou on soufflera dans le clairon une autre fois, et les voilà qui seront debout et qui regarderont. Et dans un autre verset: puis on soufflera dans le clairon, et les voilà qui seront, sortiront en se précipitant vers leur Seigneur. Ils sortiront de leur tombe en se précipitant vers leur Seigneur. Et après, le chef il mentionne une citation de l'imam al-Safarini. Il dit: قال al-Safarini وفي تفسير الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر مرفوعا: إن الله يرسل مطرا على الأرض فينزل عليها 40 يوما حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل، فإذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى ليحيى حملة العرش وليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ثم يأمر الله إسرافيل فيأخذ السور فيضعه على فيه، ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في السور، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، ثم يقول تعالى: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدخل الأرواح من الخياشيم ثم تمشي مشي السم في المدير، ثم تنشق الأرض عنها سراعة، فأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم تنسلون. Donc le chef ici il mentionne les paroles de l'imam al-Safarini qui cite les paroles de l'imam al-Sa'labi dans son tafsir. Selon Abi Huraira, il dit que c'est rapporté dans l'explication de surat, au tafsir surat al-Zumar, et que c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber la pluie sur la terre, et que cette pluie-là, elle va tomber pendant 40 jours jusqu'à ce qu'elle arrive à une distance de 40 coudées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner au corps de pousser comme poussent d'un oignon. Lorsque l'oignon commence à germer, commence à pousser, de cette façon-là, le corps va se mettre à pousser encore une fois dans la tombe. Et lorsqu'elle est complétée, lorsque les corps sont revenus comme ils étaient auparavant, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les porteurs du trône, et il va faire revivre les Jibril et Mikaïl et Israfil et Israël, et il va ordonner à Israfil de prendre le clairon et de mettre sa bouche dessus, et il va rappeler tous les âmes, et tous les âmes qui seront les âmes des croyants vont être illuminées, et tandis que les âmes des mécréants seront sombres. Et il va toutes les prendre et il va les jeter dans le clairon. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Israfil de souffler pour le coup de la résurrection, le coup de clairon pour annoncer la résurrection. Donc tous les âmes vont sortir et elles vont toutes être comme des petites abeilles qui volent et elles vont remplir ce qui est entre les cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire par ma puissance et par ma majesté, vous allez toutes retourner à vos corps. Donc tous les âmes vont retourner à leur corps et elles vont entrer dans le corps par les narines et elles vont pénétrer dans le corps comme le poison lorsqu'il est entré dans la personne qui s'est fait piquer par un poison. Donc le poison, comme l'âme commence à circuler et se répandre à travers le corps de cette façon-là. Et ensuite, la terre commence à se fendre. Et le premier pour qui la terre se fend, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les hommes par la suite commencent à sortir de la terre et se précipitent rapidement vers leur Seigneur. Donc ça c'est rapporté par l'imam al-Safarini. Ensuite le cheikh il dit وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عزيم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. Donc le cheikh il dit que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre une pluie de la terre et les hommes vont commencer à pousser. Donc cette pluie-là elle fait pousser les corps comme un oignon. Et par la suite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout de l'homme est mangé par la terre, tout ce qui reste de l'être humain dans la terre est dégénéré ou mangé par la terre, excepté un petit os qui reste et ça s'appelle Ujbul Zalab, et ça c'est de cette partie là que tout le reste du corps va sortir et va commencer à pousser et va se refaire, comme c'est rapporté dans plusieurs explications des ulama. Et le cheikh il dit wa fi riwayat muslim, dans les narrations de muslim il est dit inna fil insani aydaman aw azman la ta'kuluhu al ard abada minhu yurkabu al khalq yawm al qiyamah qalu ayu azman huwa ya rasulullah qala ujb al zanab. Donc dans les rapports de l'imam muslim, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un os dans le corps que la terre ne mangera jamais, et c'est à partir de cet os-là que les êtres humains vont être refaits ce jour-là, au jour de la résurrection. Et ils ont demandé au messager d'Allah de quel os est-ce qu'il s'agit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un jour zanab. Le شيخ الذي قال العلماء عجب الذنب هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب وقد جاء في الحديث أنه مثل حبة الخردل منه ينبت جسم الإنسان. Donc le شيخ الذي قال العلماء ويفسر عجب الذنب هو الناس qui est très dur, qui est à la fin de la colonne vertébrale, et c'est comme la grosseur d'une graine de moutarde, et c'est de cette partie-là que tout le reste du corps de l'être humain va pousser au jugement dernier. وقد استبعد المشركون إعادة الناس في حياة أخرى بعد الموت فأنكروا البعث والنشور وأمر الله نبيه أن يقسم به على وقوعه وأنه كائن لا محالة. الشيخ الزيسك les mouchriquins ont nié ou ont douté de la résurrection et d'une vie après la mort, et ils ont renié la résurrection et le rassemblement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de jurer par lui que le jugement dernier allait arriver sans aucun doute. Et il dit, قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. Les kuffars ont dit que l'heure du jugement ne viendrait pas. Et Allah, il dit à son messager, dit, certes, par mon Seigneur, elle vous viendra. Et c'est lui qui connaît l'invisible. Et un autre verset dans lequel Allah dit, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il te demande, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que le jugement dernier est vrai? Est-ce qu'on sera réellement ressuscité? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager de dire, dit, certes, par mon Seigneur, c'est la vérité, et vous ne pourrez jamais rendre mon Seigneur à l'impuissant. نعم. Ensuite, Allah سبحانه وتعالى, le Cheikh il mentionne un autre verset d'Allah سبحانه وتعالى, dans lequel Allah سبحانه وتعالى dit, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Les kuffars ont pensé ou ont cru qu'ils ne seraient pas ressuscités. Dit, certes par mon Seigneur, vous serez tous ressuscités. Et on va vous informer, nous vous informerons de ce que vous faisiez. Et ça, c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأخبر عن اقتراب ذلك فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. Allah subhanahu wa ta'ala a informé de l'approche de ce jour et il a dit dans Sourate al-Qamar que l'heure approchait et que la lune s'est fendue. Dans un autre verset, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Dans Sourate al-Anbiya, le premier verset, le compte des hommes approche et eux ils se détournent dans une insouciance et une indifférence. Et le Cheikh dit, وذم المكذبين بالبعث فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Allah سبحانه وتعالى il a blâmé, il a critiqué les gens qui ont nié la résurrection et il a dit, ceux qui ont nié la rencontre de leur Seigneur, ils ont perdu certes et ils ne sont pas guidés. Et Allah سبحانه وتعالى il dit, ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Et certes ceux qui doutent de l'heure sont dans un égarement lointain. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Donc, le Cheikh il mentionne un passage dans Surat al-Isra, dans lequel Allah SWT il dit, et nous les ferons ressusciter, et nous les rassemblerons au jour de la résurrection, sur leur visage, aveugles, sourds et muets, et leur destination sera l'enfer. Chaque fois que le feu sera diminué, nous leur augmenterons de la fournaise et du feu. Et ça, c'est leur récompense pour avoir mécru à nos signes. Et ils ont dit, est-ce que lorsque nous serons des os et de la poussière, est-ce que nous serons encore ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, est capable de faire ou de créer leurs semblables, hein? Il leur a donné un terme au sujet duquel il n'y a pas de doute, mais les injustes n'ont accepté que le rejet, hein, ils n'ont voulu que rejeter la vérité et le renier. Après, le cheikh il mentionne une autre partie du verset dans Surat al-Isra, il dit وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا فرد الله عليهم بقوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الشيخ الزي اي الله سبحانه وتعالى ادي est-ce que lorsque et ils disent, c'est-à-dire les kuffars, ils disent, est-ce que lorsque nous serons des os et de la poussière, est-ce que nous serons ressuscités en une nouvelle création? Et Allah leur répond en disant, dit, soyez de la pierre ou du fer ou du métal, peu importe qu'est-ce que vous serez, hein, peu importe quelle autre créature vous serez, parmi les choses que vous considérez comme étant énormes dans vos cœurs, mais sachez que ça c'est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire revenir. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils diront, qui va nous faire revenir? Dit, c'est-à-dire Allah ordonne au messager de dire, celui qui vous a créé la première fois, hein, celui qui vous a créé la première fois, c'est lui qui va vous faire revenir. Et ils vont secouer leur tête vers toi, et ils vont dire, quand est-ce que c'est? C'est quand cette résurrection-là ou ce jour-là? Et Allah dit, قل, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, dit aux gens, عسى أن يكون قريبا, il se peut que ce soit très près, hein, il se peut que ce soit un jour très proche. Le jour où ils seront appelés et ils répondront par sa gloire, hein, ils répondront à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa gloire. Et وتظنون إن لبثتم إلا قليلا, et vous croirez que, hein, ils croiront que, ou vous croirez que vous n'avez resté dans la tombe qu'une seule ou qu'une petite durée de temps, et vous ne pensez pas que vous êtes resté longtemps. Donc, alhamdulillah. Après, le cheikh il dit, khamisan, al-imam bima yakun yawm al-qiyamah. La foi en ce qu'il y a au jour de la résurrection. Ça, c'est le cinquième point dans ce chapitre. Et le cheikh il dit, قال الإمام السفاريني واعلم أن اليوم الوقوف أهوال عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولاد وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع وهو يوم القيامة. Donc l'imam Safarini, il mentionne, il dit, sache que il y a des choses très difficiles et dures au jour du jugement, et le jour de la résurrection, lorsque les hommes sont debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui se passe dans ce jour-là, c'est un jour difficile. Et il dit que ça fait fondre les foies et ça fait perdre, ou ça fait perdre à les femmes qui allaitent leurs bébés, elles abandonnent leur nourrisson, et les enfants qui sont tout petits, leurs cheveux deviennent blancs tellement ils ont peur. Donc c'est une réalité, et ça c'est quelque chose de confirmé par le Coran, par la Sunna et par l'Ijma, c'est le consensus, et ça c'est un jugement dernier. Et le Cheikh dit وقد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة قيل لكون الناس يقومون من قبورهم قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. Les gens ont divergé au sujet de l'appellation de ce jour. Par exemple, certains ont dit que c'est le jour du jugement dernier parce que les gens vont être debout et vont sortir debout de leur tombe. Ils vont sortir de leur tombe. قال تعالى الله سبحانه وتعالى dit le jour où vous sortirez de vos tombes de façon précipitée. وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوه ونحوها فيه. Ou bien d'autres ont dit que parce que c'est il y aura le fait que les gens vont être debout et qu'il y a la résurrection ou des choses de ce genre-là. Et le Cheikh dit وَقِيلَ لِقِيَامِ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, parce que les hommes seront debout devant Allah سبحانه وتعالى. كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رحشه إلى نصف أذنيه. Donc ça a été rapporté selon l'imam Muslim, par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Ibn Omar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les hommes seront ressuscités. Il a mentionné le verset dans Surat al-Mutaffifin, le jour où les hommes seront debout devant leur Seigneur, le Seigneur des mondes. Alors Ibn Omar, il dit, ils seront debout dans leur sueur, ils vont transpirer jusqu'à leurs oreilles, jusqu'à au milieu de leurs oreilles. Donc ça veut dire que leur transpiration va monter jusqu'à leurs oreilles. Et le Cheikh il dit il a un qal روى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم كان مقداره 50,000 سنة فقيل ما أطول هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة وقيل إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفا قال تعالى يوم يقوم الناس والملائكة صفا. Donc le Cheikh Mansian il dit que l'imam al-Safarini a dit que le Cheikh Mansian les paroles de l'imam al-Safarini, et il dit que ça a été rapporté selon l'imam Ahmed et Abu Ya'la et Ibn Hibban dans son Sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour qui aura la durée de 50 000 ans. Donc les Sahaba ont dit comme ce jour est long, c'est-à-dire comme il est long ce jour. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme entre sa main, ce jour-là sera allégé pour le croyant jusqu'à ce qu'il soit pour lui plus léger que la durée d'une prière prescrite, la durée d'une des 5 prières par jour. Donc on voit que la durée de ce jour-là sera relativement longue ou courte selon la personne. Pour certains, elle va passer comme une des prières, puis pour une autre personne, elle va paraître comme 50 000 ans. وقيل إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفة. Et d'autres ont dit que le jugement dernier s'appelle يوم القيامة parce que les anges et l'ange Gabriel vont se tenir en rang ce jour-là. قال تعالى Allah سبحانه وتعالى a dit dans سورة النبأ le jour où l'ange Gabriel ainsi que les anges seront en rang, vont se tenir debout en rang. وقال إلى أن قال إلى أن قال أخرج الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم وفي بعض ألفاظ الصحيح 70 عاما فأخرج مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قدر ميل أو ميلين قال فتسهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أميال كقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. نعم. Donc qu'est-ce qu'il explique ici l'imam al-Safarini dit que al-Shaykhan c'est-à-dire al-Bukhari et al-Muslim ont rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que les hommes au jugement dernier vont transpirer jusqu'à ce que leur transpiration entre 70 coudées dans la terre et jusqu'à ce qu'elle arrive à leur cacher une partie du visage jusqu'à leurs oreilles. Et dans certaines narrations du hadith, elle va descendre jusqu'à 70 ans. Et l'imam Muslim a rapporté selon Al-Miqdad radiallahu anhu qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des serviteurs jusqu'à 1 000 ou 2 000 et le soleil sera proche et les serviteurs seront dans leur transpiration selon le niveau de leurs actions qu'ils ont fait dans cette dunya. Parmi eux, il n'y en a que la transpiration ou la sueur va arriver à leur cheville et d'autres à leurs genoux, et d'autres à leurs hanches, et d'autres, ils seront dans leur transpiration jusqu'aux oreilles, et d'autres même, ils seront noyés complètement dans leur sueur. Et donc après, le cheikh il dit « وَيُوَاجِهُ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ أُمُورًا عَظِيمًا مِنْهَا » Donc ce jour-là, les gens auront à faire face à plusieurs grandes épreuves. Parmi ces choses-là, il y a al-hisab, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va compter les œuvres des serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit al-hisab huwa ta'rifu Allah subhanahu wa ta'ala al-khala'iq, maqadir al-jaza'i fi amalihim wa tazkiruhum iyyahum bima qad nasawhu. Donc le cheikh il explique que al-hisab c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va informer ses créatures de la quantité de récompenses et des actions qu'ils ont faites, et il va leur rappeler tout ce qu'ils avaient fait et qu'est-ce qu'ils avaient oublié de ce qu'ils avaient fait dans cette dunya. Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Ça c'est dans Sourate Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala il dit le jour où nous les ferons tous ressusciter et nous les informerons de ce qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a pris en note, il l'a préservé alors que l'ont oublié. Donc ce jour-là il y a beaucoup de choses qu'on avait fait dans cette dunya qu'on a complètement oublié et Allah subhanahu wa ta'ala va le ramener ce jour-là, il va nous le faire voir. Et le cheikh il mentionne également un autre verset dans lequel Allah SWT dit وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc le cheikh il mentionne deux versets en plus et ces versets-là disent et ils diront, malheur à nous, qu'est-ce qu'il a ce livre à ne pas laisser rien de petit ni de grand, excepté qu'il a été gardé et préservé, et ils trouveront ce qu'ils ont fait présenté devant eux ce jour-là, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Donc, par la suite, le cheikh il mentionne un autre verset, qui dit, celui qui aura fait un atome de bien, il le verra, et celui qui aura fait un atome de mal le verra. Et il dit, par la suite, le cheikh il dit, ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد فيقتص للمظلوم من الظالم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Donc le chef il mentionne ici, il dit que le jugement, les comptes ce jour-là, et ben le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire les comptes ce jour-là, il y aura une sorte de justice établie entre les serviteurs ce jour-là, hein, et celui qui a fait l'injustice, il va payer à celui qui a été opprimé ou celui à qui l'injustice a été faite. Tous les comptes seront réglés ce jour-là. Donc, ça a été rapporté selon Sahih Muslim, par l'imam Muslim dans son Sahih, et dans Sunan al-Tirmidhi, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez rendre les droits à qui ces droits-là sont dû au jugement dernier. Et même la chèvre qui a fait perdre à une autre chèvre une de ses cornes, eh bien elle aura à rendre des comptes pour qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là. Hein? Donc il y aura la justice totale au jour du jugement dernier. والحساب متفاوت فمنه الحساب الأسير ومنه الحساب اليسير. Et les comptes seront différents, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui auront le même genre de compte. Il y en a qui auront un compte facile au jugement dernier, et il y en a d'autres qui auront un compte difficile. Hein. Et c'est comme un petit peu si on peut imaginer les impôts. Hein. Subhanallah, c'est incroyable. Ici, plus t'as d'argent, plus t'as des compagnies et plus t'as des commerces et toutes sortes de propriétés. Et donc plus que tes impôts sont difficiles, tandis que celui qui a peu de propriétés, peu de choses et qui a seulement le minimum, eh bien ses impôts sont beaucoup plus faciles, donc ce jour-là également ce sera pareil, et ça aussi c'est expliqué dans un verset dans lequel Allah SWT il dit فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Donc, ce jour-là sera un jour difficile et il ne sera pas facile pour les kafirines, c'est-à-dire pour les kuffars, pour les mécréants. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. أما الكفار فليحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته وإنما لا حسنات لهم فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون أو فيوقفون عليها ويقررون بها. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah et il dit que les créatures seront pris pour compte au jugement dernier et seront jugées, et rien de ce que rien de ce que l'être humain a fait ne sera oublié. Le cheikh il dit que l'être humain va être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala va rencontrer chaque croyant individuellement et il va lui faire admettre son péché. Hein. Et après il va lui demander de les admettre. Kama wasifa dhalika fil kitab wa sunnah. Ça a été rapporté dans le Coran et dans la sunnah. En ce qui concerne le kafir, eh bien, eux ne seront pas jugés de la même façon, c'est-à-dire on ne va pas peser leurs bons et leurs mauvaises actions, leurs bonnes et leurs mauvaises actions, parce que la raison de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout de bonnes actions. Hein. On va seulement compter ce qu'ils ont fait, et ils vont être tenus pour compte pour ce qu'ils ont fait en général, et ils vont être demandés de le confirmer, mais il n'y aura pas de... il n'y aura pas de bonnes actions pour eux. Et ça, c'est une chose que beaucoup n'ont pas compris aujourd'hui, hein, parmi certains, parmi les musulmans. Ils croient que les koufars sont pas, ont des bonnes actions également. Hein. Beaucoup d'entre les musulmans qui n'ont pas étudié l'aqida et le tawhid, ils n'ont pas compris cet aspect-là de notre aqida. Et ça c'est grave de nos jours, surtout parce qu'il y a des groupes de bid'a et d'égarements qui sont en train de faire croire aux musulmans qu'il y a que les koufars, les juifs et les chrétiens et les autres sont des croyants également, hein, parce qu'ils croient en une religion. Mais comme on l'a expliqué plusieurs fois, ils croient, et même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins, les koufars, ils disaient qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandais aux mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adorait les idoles, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah. Donc ils croyaient en Dieu, un créateur et tout ça, sauf qu'ils refusaient de l'adorer lui seul et ils acceptaient pas de laisser tomber l'adoration des intermédiaires qu'ils avaient établis entre eux et Allah. Hein? Donc c'est ça l'exemple du shirk. Donc le fait qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'ils étaient croyants. La preuve c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés comme étant des kuffars et des mushrikines par la suite. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre. Et comme on a expliqué plusieurs fois, les gens qui doutent que les kuffars et les juifs et les chrétiens sont des kuffars, ceux-là sont eux-mêmes des kuffars s'ils ont eu la connaissance de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie et il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Ma'ida, ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième du trois, c'est-à-dire qu'ils croient en la Trinité, sont des kuffars, ils ont mécru. La même chose au sujet de ceux qui ont dit إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. Ceux qui ont dit que Allah c'est Al-Masih, hein. Et les chrétiens ils disent ça, ils disent que Jésus c'est Dieu, ou bien ils disent que Dieu s'est incarné en Jésus, c'est-à-dire il est entré en Jésus, et ils disent que Jésus est Dieu le Fils. Donc ils disent qu'il y a trois dieux, ou Dieu est divisé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc ça c'est du shirk en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et le fait qu'il l'adore en dehors d'Allah, il lui invoque, il lui demande des prières, il lui fait des invocations, il leur demande de les sauver, de les aider, de les guider, de les pardonner, hein, et tout ça c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah, c'est-à-dire on peut pas demander ces choses-là à personne d'autre qu'à Allah seul, le Créateur. Par la suite, également, il prie à Marie, à Maryam, hein, il invoque Maryam, et ça c'est shirk billah. Donc ça c'est pas permis. Et la même chose pour Al-Yahoud, ils n'ont pas cru au Coran, ils n'ont pas cru à la Sunna, ils ont rejeté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour les juifs et les chrétiens également, ils ont rejeté le Coran, ils n'ont pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont, donc quelqu'un qui rejette un seul d'entre les messagers d'Allah, il n'est pas mu'min. Donc ces gens-là, ils sont sans aucun doute des kuffars. maintenant il y a ces ignorants là comme Yusuf al-Qardawi et d'autres, hein, qui viennent et qui disent aux musulmans, non, les chrétiens sont des mu'minines comme les autres, comme les musulmans, etc. Donc ça c'est sans aucun doute une grande forme d'égarement, et ça peut faire amener une personne à quitter l'islam sans aucun doute, parce que ça implique de rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des actions des kuffars, مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé les actions des kuffars dans plusieurs versets, hein, comme étant des mirages et comme étant de la poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous allons prendre ce qu'ils ont fait comme œuvre et nous allons le rendre comme de la poussière ou comme de la cendre éparpillée. Hein? Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient fait le shirk, hein, c'est-à-dire les prophètes d'Allah, s'ils avaient commis le shirk, tout ce qu'ils auraient fait d'œuvre aurait été annulé. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on a révélé à toi, c'est-à-dire à toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, que si tu aurais fait le shirk, tout ce que tu aurais fait d'action aurait été annulé, et tu aurais été parmi les perdants. Donc ça c'est une chose claire dans Al-Qur'an, et ça c'est certain, je ne fais que mentionner que quelques versets à ce sujet-là, alors qu'en réalité il y en a un grand nombre de versets à ce sujet-là. Ensuite le chef il dit, وأول ما يحاسب عنه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. La première chose que le serviteur, dont le serviteur sera questionné, au sujet duquel il sera questionné au jugement dernier, il y a salat, c'est-à-dire sa prière. وأول ما يقضى, c'est-à-dire la première chose au sujet duquel il y aura des jugements, c'est à propos des questions de sang, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu des meurtres ou des choses de ce genre, c'est les premières choses que Allah va juger au jugement dernier. كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابو داود والحاكم وصححه وابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه يقول الله تعالى لملائكته انظروا لصلاة عبدي أأتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت وكتبت له تامة وإذا كانت وإن كانت نقصة منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قالوا أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. نعم. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. Donc le cheikh il dit que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et il l'a authentifié, ainsi qu'Abu Dawud et Al-Hakim, et qu'il l'a authentifié également, sur Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera questionné au jour de la résurrection, c'est la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire à ses anges, regardez la prière de mon serviteur. Est-ce qu'il l'a complétée ou est-ce qu'elle est complète ou est-ce qu'elle est incomplète? Donc, si elle est complète, elle sera écrite complète. Mais si elle est incomplète, ou si elle n'est pas parfaite, alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire à ses anges, regardez la prière de mon Seigneur, regardez est-ce qu'il a des prières volontaires, hein. Et donc, s'il a des prières volontaires, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, complétez la prière obligatoire de mon serviteur à partir de ses prières volontaires. Hein, qu'est-ce qui manque? Complétez-le avec les prières volontaires. Et le reste de ses actions seront pris à partir de ça. Et l'imam al-Nasa'i, il a rapporté selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera questionné ou pris pour compte au jugement dernier, c'est sa prière. Donc, par la suite, le cheikh dit, i'ta as-sahaif. Allah subhanahu wa ta'ala va donner au jugement dernier à chaque personne son livre. والصحائف هي الكتب التي كتبها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في الحياة الدنيا من أعمال القولية من الأعمال القولية والفعلية. Donc le cheikh dit que les صحائف ce sont les livres dans lesquels les anges ont écrit et ont pris en note tout ce que faisait l'être humain durant sa vie dans cette vie présente, dans la dunya, parmi les actions et les paroles qu'il a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Donc le cheikh il dit, قال العلماء طائره أي عمله, طائره عمله. Donc, le cheikh dit, ouais, chaque être humain, nous lui avons mis ses actions dans son cou. Hein? Et au jour de la résurrection, on fera sortir un livre qui sera ouvert et on lui dira, lis ton livre. Hein? Aujourd'hui, tu es capable par toi-même de te prendre pour compte d'après ce qui est écrit dans ton livre. C'est-à-dire, il va être capable de voir par lui-même qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie de ses actions. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ça c'est dans surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que dans ce, il y a un ange à droite, hein, et un ange à gauche qui prennent en note. Hein, et il ne dit rien, sauf que les anges écrivent qu'est-ce qu'il est en train de dire et qu'est-ce qu'il fait. Donc ça c'est clair dans le Coran. Et le chef il dit également qu'il y a des gens qui vont avoir leur livre de la main droite, et d'autres qui vont avoir leur livre de la main gauche. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهْ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte, il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut classé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de dire, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Hein? Donc ça, c'est la réalité de qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cette surah dans laquelle Allah il parle de ça al-haqqa, l'événement véridique, la vérité. Donc ça c'est un exemple du fait que on va chacun d'entre nous recevoir le livre dans lequel il y a nos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit waznu al-a'mal mimma yakunu fi hadha al-yawm وزن الأعمال قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون donc Allah سبحانه وتعالى il dit et le jour de ce jour là les balances et la balance ce jour-là sera véridique. Et la balance qui sera lourde, celui dont la balance sera lourde de bonnes actions, alors ceux-là, ils seront les gagnants. Tandis que ceux dont les balances seront légères, eh ben, ce jour-là, ils se seront perdus eux-mêmes parce qu'ils ont été injuste envers nos signes. Parce qu'ils ont été injustes envers nos signes. Ensuite, dans le Cheikh, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, wa qala ta'ala, wa tada'u al-mawazin al-qist, liyawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an, wa in kana mithqala habbatin min khardalin, atteina biha wa kafa bina hasibin. Et ce jour-là, on mettra les balances de la justice, et au jour de la résurrection, aucun âme ne sera lésée. Et même si c'était le poids d'une atome, ou le poids d'une graine de moutarde, nous allons la faire venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme teneur de compte. Donc, le cheikh il dit par la suite, wa al-a'malu tuzanu bi mizanin haqiqi lahu lisanun wa kaffatan. Donc, il dit que la balance, les actions seront pesées par une balance qui est réelle. Et elle a une langue et deux plateaux. Donc, elle va balancer d'un côté ou de l'autre selon le poids des actions. Le cheikh, il mentionne ensuite les paroles de l'imam ibn Taymiyyah et il dit, wa qala cheikh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah, al-mizan huwa ma yuzanu bihi l'a'mal, wa huwa ghayru l'adl. Naam. Kama dalla ala al-kitab wa sunnah, ala dhalika al-kitab wa sunnah. Mithlu qawlihi ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu, وقوله ونضع الموازين القسط اليوم القيامة ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال ثم قال وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما به يتبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، أما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. انتهى كلامه. donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit et la balance c'est par quoi ce jour-là on va peser les actions et ce n'est pas la justice, c'est autre que la justice, parce que les gens de Bid'a ils ont essayé de dire que les balances ça signifie en réalité la justice et non pas qu'il y ait des balances réelles qui vont peser réellement les actions. Donc le chef il spécifie et il dit que ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit comprendre, c'est pas la justice, mais c'est réellement une balance qui pèse les actions des serviteurs, comme c'est prouvé par le Coran et la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, celui dont les balances seront lourdes, ils seront ceux qui auront le succès, qui ont eu le succès, etc. Et dans l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et on établira les balances de la justice au jour de la résurrection. Puis il a mentionné plusieurs versets, plusieurs hadiths qui parlent de ce sujet-là, puis il a dit, et les sépare ces hadiths-là et des choses des hadiths de ce genre, que les actions se qui prouve qu'il y a des actions qui seront pesées au jugement dernier avec des balances qui vont faire montrer, les bonnes et les mauvaises actions pour voir lesquelles d'entre les deux est plus lourd, soit les bonnes actions ou soit les mauvaises. Donc c'est par ces balances-là qu'on va établir la justice et c'est le but de l'établissement de ces balances-là au jugement dernier, c'est d'établir la justice comme dans la dunya. Mais en ce qui concerne la réalité de ces balances-là, comment elles sont, on ne peut pas savoir comment elles sont, parce que ça fait partie de l'invisible. Mais le but de ces balances, c'est d'établir la justice, ça c'est clair. Le cheikh il dit « وَالصِّرَاطُ وَالْمُرُورُ عَلَيْهِ » Hein, le pont et le passage sur le pont. Le cheikh il dit وَمِمَّا يَكُونُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ يَرِدُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وَهُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَشَدُّ حَرَارَةً مِنَ الْجَمْرِ عليه كلاليب تخطف أو تختف من أمرت بخطفه يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كهرولة الراجل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم نسأل الله السلامة والعافية. Donc le cheikh il explique maintenant qu'est-ce que ça signifie le pont qui est sur l'enfer. Il dit parmi les épreuves du jugement dernier, il y a le fait de passer sur le pont et c'est un pont qui est dressé sur l'enfer et tout le monde va devoir passer par-dessus, les premiers comme les derniers. Et c'est un pont que les gens vont traverser selon la quantité de leurs actions et selon leurs actions. Donc, et c'est un pont qui est plus fin qu'un cheveu et plus effilé qu'une épée. Et il est plus chaud qu'une braise enflammée. Et il y a de chaque côté de ce pont des crochets qui accrochent les gens qui sont ordonnés, que Allah ordonne d'accrocher. Donc, les gens vont passer sur ce pont-là selon, selon leurs actions. Donc, il y en a qui vont passer vite comme l'éclair, d'autres vont passer comme le vent, d'autres comme un cheval à la course, d'autres vont passer en courant comme un homme qui court, et d'autres vont marcher, et d'autres vont vont ramper, hein. Et donc, il y aura différentes vitesses de personnes qui vont passer sur ce pont. Et il y en a d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner d'accrocher, et puis il sera accroché et jeté en enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection et le salut de ça. Et après, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Safarini à ce sujet-là. Il dit: اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، زعما منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة المباحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل عنها ويؤاخذ بها، كل هذا باطل وخرافات لوجود رد النصوص إلى حقائقها. وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه. قد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Safarini il dit que la parole, il y a un accord, tout le monde est d'accord pour affirmer qu'il y a un pont sur l'enfer. Ça c'est en général, tout le monde est d'accord là-dessus. Ahl al-Haqq, on l'affirme tel quel, dans son sens apparent, et on dit que c'est un pont qui est sur l'enfer, qui est plus fin plus aiguisé qu'un épée et plus fin qu'un cheveu. Et ceux qui l'ont renié, c'est les gens de Bid'a, comme les Mu'tazila. Il mentionne Al-Qadi Abdul Jabbar, qui était un des Mu'tazila, et beaucoup d'autres de ces gens, des gens qui les ont suivis. Et ils ont cru que un pont comme ça, c'est pas possible à traverser, donc c'est pas possible, il faut le nier. Hein, et il dit que c'est un châtiment, et il ne doit pas y avoir de châtiment pour les croyants et les gens pieux au jugement dernier. Et ils disent que le pont dont il s'agit, c'est le pont qui mène au paradis, dans le verset « سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ » Allah les guidera et il va corriger leurs actions ou leur état. « وَطَرِيقُ النَّارِ » et le chemin vers l'enfer, qui est mentionné dans le verset « فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ » Il les montrera ou les amènera vers le chemin de l'enfer. Et il y en a d'autres qui l'ont pris comme voulant dire que ce sont les œuvres, les preuves claires, les choses permises et les mauvaises actions ou des choses de ce genre. Donc, que des gens vont être questionnés à ce sujet-là, et ils vont être pris, on va les prendre pour compte pour ces choses-là. Et le chef il répond et il dit que ça c'est tout ça c'est faux, ce sont des fausses explications et des superstitions, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et pourquoi? Parce que ce sont des choses qui rejettent les textes et la réalité des textes. Donc on ne doit jamais renier la réalité des textes. Et le fait qu'on ait à passer un pont de ce genre, il n'y a rien dans ça qui est plus étonnant que le fait de marcher sur l'eau ou de voler dans les airs ou de rester debout dans les airs. Et ça, c'est des choses qui sont pas impossibles à faire pour Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire des choses de ce genre arriver. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. C'est-à-dire les kuffars, ils ont demandé au sujet des kuffars, au sujet de la personne qui, ou bien on a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم au sujet de la personne qui sera ressuscitée mécréante, hein, elle sera ressuscitée sur son visage. Donc ils ont demandé comment est-ce possible, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'est possible, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire une chose pareille. Donc ça vient terminer tout ce qu'on allait expliquer aujourd'hui, puis on continuera inshallah la semaine prochaine dans le dars qu'on a commencé inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.